Arthur Rimbaud, première soirée. Elle était fort déshabillée et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets maintenant tout près. Assise sur ma grande chaise, minuit, elle joignait les mains sur le plancher frissonnait d'aise. Ses petits pieds si fins. Regardait, couleur de cire, un petit rayon buissonnier papillonné dans son sourire et sur son sein, mouche au rosier. Je baisais ses fines chevilles, elle eut un doux rire brutal qui s'égrenait en clair trille, un joli rire de cristal. Sous la chemise, se sauvèrent. Veux-tu finir? La première audace permise, le rire feignait de punir. Pauvre et palpitant sous ma lèvre, je baisais doucement ses yeux. Elle jeta sa tête mièvre en arrière. Oh, c'est encore mieux! Monsieur, j'ai deux mots à te dire. Je lui jetais le reste au sein, dans un baiser qui la fit rire, d'un beau rire qui voulait bien. Elle était fort aux amis, et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets malignement tout près.